L'actualité à Nancy et ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et on va parler de festivals, car oui, c'est la saison, le retour des festivals, et quoi de mieux que le festival des francopholies à Esch-sur-Alzette au Luxembourg pour ouvrir le bal. Et donc le festival se tient du jeudi 6 au 9 juin prochain, et pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi au téléphone Louis Clairet, directeur des francopholies luxembourgeoises. Bonjour à vous. Bonjour. Les francopholies approchent, on est à quelques semaines de l'événement. Comment vous sentez-vous? Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Alors oui, on est à deux semaines de l'événement. Alors comment on se sent? On est sur les starting blocks, on a hâte nous que ça se passe. On commence à monter la scène demain dans le parc. Et donc voilà, c'est le début d'une belle aventure qui va nous amener jusque après le festival, le temps de le démonter. Donc pour nous, c'est un mois là très excitant. Et donc les francopholies plus globalement, c'est un événement qui existe donc depuis 1985, donc qui a débuté à La Rochelle, et puis il s'est exporté dans différents endroits, Québec, Bulgarie, et en 2019 au Luxembourg. Mais alors, comment est né l'événement? Quelle était la genèse de cette édition luxembourgeoise? Alors, tout simplement parce que la ville d'Esch-sur-Alzette avait envie, en fait, d'avoir les francopholies chez elle, parce que son bourgmestre, enfin son maire, et puis les conseillers sont amoureux des francopholies de La Rochelle, et puis le Luxembourg, c'est la langue française, c'est une des quatre langues officielles, et donc il y avait tous les ingrédients réunis pour se dire, allez, allons-y, lançons-nous dans cette folle aventure. Et donc 2019, 2020, des années pas forcément faciles avec le Covid, quelles ont été les difficultés durant ces périodes? Alors, une première édition qui devait se tenir en 2020 qui n'a pas eu lieu, qu'on a déjà annulée. Une deuxième qu'on a pu faire avec des conditions d'accueil qui étaient assez compliquées. Et puis en même temps, on en rigole aujourd'hui, mais on pouvait accueillir 500 personnes assises sur des chaises avec un mètre d'écart. Mais on a quand même tenu le festival. Et puis après, les choses se sont relâchées. On a pu le faire grandir comme on le souhaitait. Et aujourd'hui, on arrive à un festival qui tient dans toutes les promesses qu'il avait mises sur la table dès 2019 quand on a pensé à le faire. Donc oui, un festival qui s'est agrandi. Pour en venir aujourd'hui à cette édition 2024, on retrouvera une programmation assez variée, du rock, de la pop, de l'électro. Qu'est-ce qui fait que votre festival se démarque des autres? Alors pourquoi il se démarque des autres? Un, il est sur un territoire qui est quand même assez méconnu, puisqu'on a rarement l'occasion de venir au Luxembourg et on a toujours une impression que c'est autre chose que ce que c'est vraiment. Alors nous, ce qui nous démarque, c'est un, le parc dans lequel on travaille. C'est un magnifique parc. Enfin, il y a très peu de festivals encore aujourd'hui dans des parcs arborés avec des îlots de fraîcheur, avec vraiment un aspect expérience qui est très très forte. Ensuite, en termes de programmation, on a des artistes qu'on retrouve partout, mais par exemple, je pense que pas grand monde connaît forcément les artistes luxembourgeois. Or, c'est une grosse partie de notre programmation et il y a des découvertes vraiment à faire puisqu'il y a un foisonnement musical au Luxembourg qui est assez intéressant. Et puis, on a des têtes d'affiches qu'on n'a pas forcément dans tous les festivals. Nino ne se produit pas dans beaucoup de festivals cette année. David Guetta, pareil, quand on parle de la France ou en tout cas de l'Europe. Donc, on a un festival qui se distingue un peu par sa programmation et surtout par cette envie de faire des découvertes et que le public fasse des découvertes. Oui, parce que justement, le Luxembourg, voilà, comme vous l'avez dit, c'est un territoire assez méconnu pour certains. Et justement, ces artistes luxembourgeois, ça leur ouvre un peu aussi une porte vers d'autres carrières, potentiellement à l'international. C'est ça, oui. Alors, quand on est au Luxembourg, on a tendance à regarder vers l'Allemagne ou vers l'Angleterre, mais on regarde pas forcément toujours du côté francophone, que ce soit la Belgique ou la France. Et donc, nous, on accompagne ce développement. Le festival a cette valeur en lui qui est d'accompagner les artistes à leur développement de carrière, à faire que cette ville d'Esch-sur-Alzette et le territoire luxembourgeois soient reconnus pour sa dynamique musicale. Et pour revenir à la programmation, donc comme vous l'avez dit, on retrouve par exemple des stars internationales, par exemple Chaka Ponk ou encore David Guetta. Et justement, David Guetta, star international, comment on convainc de telles stars de venir à Esch-sur-Alzette? Alors, on les convainc, parce que justement, on est un peu un territoire, alors j'ai envie de dire exotique, mais c'est un territoire sur lequel ils ont pas souvent l'occasion de venir, et ça les intéresse déjà de venir sur chez nous, parce qu'aussi on a cette expérience. Alors on est un jeune festival, évidemment, nous sommes à notre, moi j'ai l'habitude de dire à notre troisième vraie édition, mais c'est la quatrième si on compte cette expérience un peu plus petite en 2021. Mais on a l'expérience d'avoir accueilli déjà des grands noms comme Snake l'année dernière, et donc c'est déjà un peu plus facile pour convaincre des grandes stars internationales de venir. Et puis David Guetta, je vais donner un petit off. On a eu des contacts avec lui il y a déjà un an et demi, et il avait vraiment l'envie de revenir au Luxembourg parce que ça fait plus de 8 ans qu'il n'avait pas joué ici. Et il y avait cette volonté de revenir pour le public luxembourgeois. Donc Voilà, il y a des fois c'est facile, des fois c'est moins facile de les convaincre, mais globalement, on arrive assez, pas facilement, mais en tout cas, on arrive à montrer que notre festival vaut la peine et que le public est au rendez-vous. Oui, c'est ça, parce que par le choix de cette diversité, ce public, vous cherchez aussi peut-être à attirer un nouveau public, une nouvelle tranche d'âge? C'est ça, alors, d'avoir une, on a des journées un peu teintées, hein, on a du rap, on a électro-rock, on a un peu plus familial, pour nos journées. Et donc oui, il y a à la fois la recherche d'un public plus jeune, d'un public qui est dans l'air du temps, parce que c'est aussi ça, la force d'un festival. Et puis aussi, nous, par notre démarche, bah, évidemment, on va parler à la France, on va parler à la Belgique, mais on est au milieu de l'Allemagne, on a les Pays-Bas, et donc on essaie en fait de faire cette rencontre de culture, d'envie, qui est à l'exemple du Luxembourg, puisque c'est notre territoire, il est fait de plein de nationalités, de plein de gens qui se rencontrent de partout, et donc on construit pour toutes les tranches d'âge, pour tous les publics et surtout pour tous les amoureux de la musique. Et donc oui, au fil des éditions, les participants, le public sont de plus en plus nombreux, 15 000 personnes en 2022, 25 000 l'année dernière, et là cette année, combien de personnes attendez-vous? Alors, on attend à peu près 30 000 personnes sur cette édition. Enfin, ça, c'est notre objectif à nous en tant qu'organisateurs. Puis, s'il y en a plus, évidemment, on est preneur. Et plus il y a de gens pour faire la fête, et plus la fête est intéressante. Donc, oui, on grandit au fur et à mesure, comme notre site grandit. On avait deux scènes, on en a trois cette année. On avait une trentaine d'artistes l'an passé, il y en a une quarantaine cette année. Donc, voilà, on grandit, on fait notre petit chemin petit à petit. Et là, par exemple, au niveau des places, combien il reste à peu près de billets? Combien de billets avez-vous écoulé? Alors, en place, alors, ça dépend des journées. On a un vendredi où est-ce qu'il reste un peu plus de billets, mais c'est souvent le cas des journées rap, en fait. C'est vraiment des achats un peu plus tardifs. On a le samedi qui se remplit très bien. Il doit nous rester 1 ou 2 000 billets, quelque chose comme ça. J'ai plus le chiffre en tête là tout de suite. Mais et un dimanche, par contre, qui se remplit très très très vite. Là, ça se compte en centaines de billets disponibles. Donc voilà, on est plutôt sur un festival qui est en train d'avoir une forte progression puisque les chiffres et les ventes s'accélèrent vraiment ces derniers jours. Et pour justement prendre les places qui restent, comment on fait? Sur quel site il faut aller? Alors le plus simple, c'est d'aller sur francofolie.lu, donc Francofolie pour le Luxembourg. Et là, vous avez toutes les formules possibles et imaginables pour acheter. Alors, il reste que des billets à la journée, mais en tout cas, il en reste un peu de disponibles pour chaque jour. Mais vraiment, le dimanche et le samedi, il en reste vraiment plus beaucoup. Il faut se dépêcher. Et aussi, ce festival donc des Francofolies d'Esch-sur-Alzette, il est aussi engagé dans le développement durable, comme il est écrit sur votre site internet. Qu'est-ce que vous mettez en place, justement? Alors, on met en place un peu. Maintenant, on connaît souvent les éco-cups. Certains festivals connaissent aussi tout ce qui va être toilettes sèches, le tri des mégots, enfin voilà, il y a pas mal de dynamiques qu'on peut trouver dans plein de festivals aujourd'hui. Nous, en fait, on va aller les chercher encore plus loin. À la fois, on n'a plus rien de jetable sur notre événement, c'est-à-dire qu'on a les verres, mais on a aussi toutes les assiettes qui sont non jetables. Donc c'est un défi logistique, mais en tout cas, on le fait. On est un des plus grands projets en Europe à avoir cette dimension-là, puisque pour 10 à 15 000 personnes, c'est énorme en termes de logistique derrière. Mais aussi, on a toute une démarche sur notre communication. On a la construction de la scénographie qui est fait avec des associations de remise à l'emploi par la formation qui sont de notre ville, à Esch-sur-Alzette. On a toute une série d'animations sur la protection de l'eau, sur la gestion des ressources. Nous, on est dans un parc Natura 2000, donc on a vraiment toutes les conditions sur le bien-être animal, etc. Donc, on a un label luxembourgeois qui est le Green Event, qui est 52 critères à respecter pour avoir ce label. Et nous respectons 50 des 52 critères, puisqu'on a deux critères qui ne nous correspondent pas, puisque ce n'est pas notre typologie de projet. Mais donc, en tout cas, on met en place tout ce qu'il faut pour que notre festival ait le moins d'impact, ou en tout cas un impact réduit sur notre environnement. Au final, vraiment, le plus important, en tant que directeur, qu'est-ce que vous attendez de ces 4 jours? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Alors, pour moi, j'ai envie de dire, il y a plusieurs priorités. Un, c'est que je veux que le public qui vienne, il ait le sourire et qu'il se dise, j'ai passé une bonne journée, j'ai passé un super festival. Ça, c'est quand même la priorité. Et puis après, bah, qu'on ait le beau temps. Ça, c'est important, mais je ne peux pas y faire grand-chose, mais ça joue beaucoup sur les projets. Et puis après, en tant que directeur, je fais aussi attention que mes équipes soient heureuses, en fait, et soient très, très dans l'envie en fait de faire ce festival, parce que si nous on est déjà très heureux de le monter et de le proposer, le public va le ressentir. Ça, c'est mes priorités à moi. Et une petite confession, une dernière, en tant que directeur, vous, si vous aviez vraiment un concert que vous ne voudriez surtout pas manquer pour cette édition, lequel ? Alors, il y en a beaucoup, puis il y en a certains que j'ai déjà eu l'occasion de voir, donc je vais pas, je serais content de les revoir là, mais bon, moi j'avais très envie de voir Mutt cette année. Je sais pas si vous connaissez cet orchestre qui fait de la musique électronique. Du tout. Mon envie actuelle. Après, je pense que tous les concerts sont intéressants et ouais, je saurais pas dire lequel va plus m'intéresser. J'ai envie de voir Culture The Kid, par exemple, un rappeur luxembourgeois, parce qu'on l'a accompagné dans un processus de développement et j'ai envie de voir ce qu'il pourrait donner devant le public du festival. Comme je suis très impatient de voir le phénomène Zao de Tagazan, dont tout le monde parle, qu'on a accueilli l'année dernière au théâtre, mais elle était encore artiste moins connue qu'elle l'est aujourd'hui. Et là, elle a pris un développement tellement important que je me dis, mais il doit y avoir quelque chose. Et donc, j'ai aussi envie de voir cette rencontre avec ce phénomène actuel. Et ben, on a aussi envie de rencontrer tous ces artistes, toute cette belle programmation. Bien, merci à vous, Loïc Leret, donc on le rappelle, directeur des Francopholies luxembourgeoises, qui auront lieu du jeudi 6 au 9 juin prochain. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine interview. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.